commencer. Bon, ce qu'on demande à un poète, c'est pas de décliner son CV. Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ce qu'on demande à un poète, c'est plutôt de faire entendre un texte. Et c'est ce que je vais faire pour commencer. Et je vais choisir un texte qui est dans ce livre qui vient d'arriver de chez l'imprimeur. Ce sont les éditions La Passe du Vent qui publient quelques-uns de mes derniers poèmes. Et le poème que je vais vous lire maintenant s'appelle Diptyque du bonheur. Bonjour. Et en fait, ce poème a été inspiré par la question d'une petite fille dans une rencontre scolaire. Il y a environ un an, une petite fille de 7-8 ans me dit mais toi, qui es-tu quand tu écris? J'ai trouvé la question vraiment formidable. J'ai tenté de lui répondre et puis ensuite j'ai prolongé ma réponse par la rédaction de ces deux poèmes, Diptyque du bonheur. Elle a dit qui es-tu quand tu écris? Il a regardé la fillette de 8 ans et il a répondu avant d'écrire, je suis le volcan. Un bateau qui remonte le fleuve lorsque j'écris, et puis le vent. La nuit suivante, la fillette a senti le volcan gronder en elle. Elle a suivi en rêve la remontée du fleuve vers l'impossible source. Elle a frôlé le pollen du vent. Le vent qui souffle où il veut. Le vent léger et libre, que rien n'arrête. Le lendemain, la fillette est revenue. Elle lui a dit « Qui es-tu lorsque tu lis à haute voix? » Il lui a répondu « Je suis l'autre, je suis toi. » La fillette a souri et des oiseaux multicolores se sont posés sur ses nattes. Quand il a refermé le livre, il n'y avait plus un arbre, plus un pupitre, plus un micro au milieu de la place. Mais des milliers et des milliers d'arbres de toutes les couleurs dans la forêt de leurs regards. Voilà. Merci. Bon, ce sont des mots tout simples. Ces mots tout simples, ils disent quand même pour moi plusieurs choses qui sont fondamentales et que je vais poser en préambule de la rencontre. Ils disent d'abord que la poésie est un art vivant, qui se nourrit de la rencontre avec le public. Un livre de poésie, si beau soit-il, ce n'est jamais que la demi-vie de la littérature offerte à la poésie, qui a besoin d'une autre demi-vie, qui est la rencontre vivante avec un public. C'est un art de l'oralité. La poésie, comme le théâtre. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est complètement essentiel. Et je le pratique, j'allais dire, quasiment au quotidien. Et c'est comme cela que je définis, au fond, ce bonheur, le bonheur d'écrire et le bonheur de lire. Parce que n'oublions jamais que ce que je vis avec vous en ce moment, c'est le résultat d'une triple chance, en fait. La première chance, c'est d'avoir la possibilité d'exprimer par l'écriture ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, faire en sorte que les mots mis sur les réalités intérieures ou sur la réalité du monde nous évitent d'être un volcan qui explose. Voilà. Et donc ça, c'est une première chance. Une deuxième chance est de pouvoir être publié. Et une troisième est de pouvoir rencontrer le public, parce que la littérature, la poésie pourrait être une activité complètement solitaire, de la solitude de celui qui écrit à la solitude de celui qui lit. Or, la rencontre, c'est une passerelle, et cette passerelle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la poésie, je vais parler de poésie, puisque c'est l'essentiel de mon travail, eh bien, permet de tisser des liens entre les êtres, entre les générations, entre les cultures, entre les langues. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment fondamental. J'avais, il y a un instant, ce livre entre les mains. Si vous l'ouvrez, comme on pourrait ouvrir quantité d'autres livres de ma maison d'édition, vous constateriez immédiatement que nous sommes dans une édition bilingue. La langue originale à gauche et le français à droite. Même chose pour cette poète amérindienne Innu. Alors les Innu ne sont pas des Inuits. Hein. Les Innu vivent à Terre-Neuve et dans le grand nord du Québec. Ils sont environ 15 000 aujourd'hui à parler encore cette langue. Et là, nous avons publié la grande voix de la poésie Innu, Rita Mestokocho. Eh bien, à gauche, en Innu Aimun, c'est la langue que parlent ces gens, et en français, à droite. Et c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Enfin, voilà, l'essentiel de mon travail, c'est ça, c'est cette ouverture aux poésies du monde. Et je pourrais dire que, au fond, je voyage à travers le monde, que ce soit des voyages réels ou des voyages immobiles par la littérature. Et de ces voyages, je ramène non pas des pierres précieuses, des épices, des étoffes. Qu'est-ce qu'on peut ramener encore de ces voyages? Qu'est-ce qu'a ramené l'humanité au cours de ces voyages? Du pétrole? Des esclaves? Des aliments. Alors moi, ce que je ramène, en quelque sorte, ce sont des aliments, ce sont des voix de poètes, des voix d'hommes et de femmes qui écrivent de la poésie et qui considèrent pour la plupart que la poésie est un champ universel et qu'elle est vraiment ce que l'humanité, une des belles choses que l'humanité peut produire. Donc, de mes voyages, je ramène des voix de poètes. Vous voyez, je suis en train de définir un paysage. Je vous ai déjà dit deux choses importantes, c'est la place de l'oralité et l'ouverture aux poésies du monde. J'ai nommé deux de mes points cardinaux, mon nord et mon sud, ou mon est et mon ouest, comme vous voulez. Il y en a deux autres points cardinaux à nommer, et puis là je vous aurais tout dit, quasiment, mais je ne partirai pas tout de suite. Le premier de ces deux autres points cardinaux, c'est le suivant. Je pense que la poésie doit s'adresser à tous, au plus grand nombre, et non pas à un cercle restreint de spécialistes, d'initiés. On a trop longtemps confisqué la poésie en France, et on a trop longtemps donné aux gens l'illusion, où on a fait croire aux gens qu'il fallait avoir un niveau d'études très supérieur pour accéder à la poésie, que les poètes étaient hermétiques, que la poésie est un art dont on ne comprenait rien, et que si on n'était ni lu, ni compris, ni aimé, on faisait croire parfois qu'on était génial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je tourne le dos à cela, et j'y vois même une imposture, pour dire les choses clairement. Hein. Et je ne comprends pas pourquoi, pour dire des choses profondes, on devrait renoncer à employer des mots simples. Donc, j'essaie de faire en sorte que les livres que je publie s'adressent au plus grand nombre. Je m'arrête un instant. J'ai déjà montré deux fois ce livre. Je ne perds pas de vue mon quatrième point cardinal, hein, mais je voudrais vous raconter quelque chose. Vous voyez, ce livre vient de sortir en librairie. Il est d'une poète rome, tzigane, qui s'appelle Chaya Stoïka. La première fois que cette femme est entrée de toute sa vie dans une librairie, c'était pour signer son propre livre, son premier livre. La première fois que cette femme est entrée dans un musée, c'était pour voir une exposition de ses peintures. Je vous parle de quelqu'un qui est né en 1933 en Autriche, dans la communauté Rome, qui en 1935, je vérifie parce que les dates ont quand même une importance. Elle est née en 1933, c'est ça, et en 1942, elle a été raflée avec des dizaines de milliers d'autres Roms, emmenée dans les camps d'extermination nazis. Elle a survécu successivement aux camps d'Auschwitz, de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. À la libération, elle a 12 ans. Elle traverse l'Europe avec les quelques membres de sa communauté qui sont encore survivants. Elle met plusieurs mois pour atteindre l'Autriche. Et là, elle va mener la vie d'une tzigane, vendeuse de tapis, qui parcourt l'Europe centrale, qui va vendre des tapis, puis qui va vendre des chevaux, et qui s'enferme dans un oubli et un silence que la culture rome lui intime, parce que ce n'est pas un peuple qui témoigne, qui raconte, pas du tout. Et à l'âge de 50 ans, devant la montée de l'extrême droite en Autriche, devant probablement la violence de ses propres souvenirs et de ce qu'elle n'avait jamais exprimé, et puis sur les encouragements d'une documentariste autrichienne qui travaille sur la résistance au féminin dans les camps d'extermination nazis, elle décide de rompre le silence, elle se met à peindre, elle laisse une œuvre d'environ 1500 tableaux qu'elle a peint entre l'âge de 50 ans et l'âge de 80 ans, qui est l'âge de son décès, en 2013. 1500 tableaux, dont les plus beaux sont exposés à Paris, à la Maison Rouge, place de la Bastille, boulevard de la Bastille. Allez-y. Cette expo vient d'ouvrir, elle se terminera le 20 mai, allez-y. Vous ne regretterez pas. Ce que vous allez découvrir est bouleversant. C'est à la fois de l'art naïf, de l'art brut, un témoignage sur le génocide, bien sûr, des Roms, un témoignage sur la vie des gens du voyage, et c'est traversé par une espérance, par une force de vie, qui était la force de vie de cette femme tout à fait exceptionnelle. Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va aussi écrire. Mais pour écrire, elle va d'abord apprendre l'allemand. Elle le parle, mais elle ne l'écrit pas. Et certains de ses poèmes sont, je les ai trouvés dans ses carnets, ressemblent à une liste de mots, comme ceci. Sur son carnet, à gauche, les mots en romanès, qui est sa langue maternelle, et puis à droite, la traduction en allemand. Ce sont des mots qu'elle apprend à écrire. Je vais vous lire une de ces listes et on se demandera après si c'est ou non un poème. Le bois, le trèfle, la chaussure, le tablier, le pain, la tempête, les pleurs, le piétinement, la femme, l'homme, l'enfant, l'oiseau, le cheval, le cochon, la rivière noire, la résine, la croix, la chambre, la poupée, le berceau. Il court, il coule, il brûle. Et tout passe. Voilà. Moi, en découvrant cela dans son carnet, j'ai pensé que c'était un poème. Et vous voyez, c'est juste une liste de mots, mais c'est évidemment très fort. Et puis, quand on sait ce que je viens de vous raconter sur la vie de cette femme, on est forcément saisi. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment une poésie qui s'adresse à tous. Et qui est écrite d'ailleurs par quelqu'un qui n'avait aucune prédestination à devenir écrivain, puisque, donc, je vous l'ai dit, elle ne savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 50 ans. Et elle laisse une œuvre qui, aujourd'hui, bouleverse vraiment beaucoup de gens. J'ai dit donc la place de l'oralité, l'ouverture au plus grand nombre, l'ouverture aux poésies du monde et à la culture de l'autre. Il faut ajouter une quatrième étoile, puis après, ben, vous aurez les quatre points cardinaux de tout mon travail. Cette quatrième étoile, elle est assez simple. C'est que je pense que toutes les grandes poésies du monde sont marquées par ce double sceau, cette double marque du lyrisme et de l'engagement, de l'expression de l'intime et du désir des rencontres et des forces collectives. L'intime, le lyrisme, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler, Paul Valéry disait, c'est la transformation d'un cri en chant. Que fait d'autre Chaya Stoica, sinon transformer un cri intérieur en chant. Et la force collective, l'engagement, c'est le désir que l'on peut avoir de changer le monde, Ça me semble être un désir assez légitime, même si c'est une utopie. Et on sait bien qu'aucun poème ne va changer le monde. Mais par contre, un poème peut suffire à nous aider, peut nous permettre de changer le regard que nous portons sur le monde. Voilà, et là, ça, c'est un trésor. Et c'est un trésor qui est à portée de main par la littérature. Donc, moi, je cherche à défendre des poésies venues de tous les horizons qui n'ont pas fait éclater ces deux choses qui sont souvent tenues ensemble, l'expression lyrique et l'expression de l'engagement. Donc au fond, je me sens, si vous voulez, dans une filiation, dans un héritage avec de grands poètes comme Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Nazım Hikmet en Turquie, Yanis Ritsos en Grèce, Aragon, Will Huard ici, enfin je pourrais en citer comme ça beaucoup, mais ce sont au fond pour moi des figures qui sont importantes, et il y en a beaucoup parmi les contemporains. Maram al-Masri, la poète syrienne, c'est proprement magnifique ce qu'elle écrit. Alaa Mohammad, une autre poète syrienne dont j'ai amené un livre qui va paraître dans quelques semaines, et ainsi de suite. Dans le livre de Thierry Machuel que vous avez reçu, Outrecoeur, 20 poètes du monde entier par la musique et par le chant, eh bien, il y a des poètes comme le poète russe Osip Mandelstam, qui avait été déporté pour avoir écrit des distiques, donc des poèmes de deux vers, satiriques sur Staline, où il comparait les doigts du paysan géorgien à des gros vers rampant sur le monde. Déporté en Sibérie, au Goulag, interdit d'écriture, à bout de force, il compose ses derniers poèmes oralement, et ce sont ses proches, sa femme et les détenus qui sont autour de lui, qui tentent, malgré leur épuisement, de retenir chacun un vers d'un poème. Et c'est ainsi que les poèmes d'Osip Mandelstam vont être sauvés. C'est également le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, ou Gabriela Mistral, poète chilienne qui va obtenir le prix Nobel de littérature, etc. Et Thierry Machuel a mis en musique et fait chanter par un ensemble vocal et instrumental de 16 personnes ces poètes qui sont pour lui, au fond, les grandes voix de la poésie du XXe et du début du XXIe siècle. Mais ce sont tous, comme je le disais il y a un instant, des poètes qui n'ont pas fait séparer l'expression lyrique et l'engagement. Au fond, et je vais clore sur cette idée le premier temps de mon intervention, je pourrais vous dire que je ne crois pas beaucoup aux écritures de laboratoire. Elles existent, elles sont nécessaires, mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de nécessité, et même, je dirais, de décence, à être dans un rapport au monde qui soit un rapport vrai. Pourquoi une nécessité? Pourquoi une forme de décence? Qu'est-ce que serait un poète qui nous dirait, si je vous disais aujourd'hui, ben écoutez, moi, le monde dans lequel nous vivons ne m'intéresse pas beaucoup et j'ai trouvé refuge dans la tour d'ivoire de ma bibliothèque. Vous auriez le droit de regretter d'être venu. Hein. Que serait un écrivain qui dirait aujourd'hui, non, mais la guerre, le terrorisme, la crise économique. Le mal-être de bon nombre de nos contemporains, la question de l'exil et des migrants, ce n'est pas mon sujet. Moi, j'essaye simplement de transformer la littérature par l'invention d'une avant-garde esthétique. Je pense que, voilà, moi, j'essaye de tourner le dos à ces perspectives-là et je crois que les écrivains, les poètes, mais aussi les romanciers, sont des gens qui sont situés dans leur époque. Ils sont nés quelque part et ils sont nés à un moment donné de l'histoire. Et ils doivent Mais elles doivent faire exactement ce que font les autres, les gens de bonne volonté, c'est-à-dire apporter leur contribution à la marche du monde et à l'amélioration du monde dans lequel nous sommes. Donc, au fond, je pense que la littérature n'est pas une activité plus noble que le fait de pétrir le pain, laver le linge, être enseignant, être bibliothécaire, etc., ou être avocat. Mais disant cela, ce n'est pas une activité plus noble, mais j'ajoute, ça n'en est pas moins utile. Voilà. Et donc j'essaye de m'inscrire à la fois dans cette vérité pratique, c'est presque cette utilité pratique d'un rapport au monde par la littérature, et en même temps, évidemment, dans l'émergence d'une esthétique et dans l'émergence de singularité. Et j'ai envie d'ajouter ceci, l'écriture, la poésie me paraît être, pour celui qui ou celle qui l'écrit, la forme privée d'une utopie, l'expression d'un rêve, d'un cri, ça peut être d'une souffrance aussi. Mais en tout cas, c'est toujours plus ou moins la forme privée d'une autre manière de penser la vie et de penser le monde. Et être éditeur, c'est transformer cette utopie singulière en force collective. Parce que le poème ou le recueil qui m'arrive en un seul exemplaire, lorsqu'il est passé entre les mains de mon travail, puis c'est pas seulement les miennes, on est plusieurs, mais, eh bien il en ressort démultiplié. Le texte, eh bien, va devenir, je prends le petit livre, Passagers d'exil, 5 000 exemplaires. Et 5 000 exemplaires, quand on sait que souvent un livre comme ça entre dans une classe, ce sont des dizaines de milliers d'enfants, et un jour peut-être des centaines de milliers de jeunes gens qui auront lu le poème de Soie de la Bise qui est affiché ici, ou celui de Laurent Godet que j'ai vu également. Donc voilà, c'est la transformation de cette utopie singulière en force collective. Peut-être un poème pour illustrer ce que je viens de vous dire. Ou deux poèmes. Le premier, je l'ai intitulé Fantaisie sans titre, Fantaisie sans titre. Le poème que je commence à écrire me fait l'effet d'un vagabond. Il ne possède ni port d'attache, ni maison, aucun cadastre ne le consigne. Ses titres de propriété feraient pouffer de rire un Bernard l'ermite et glousser le coucou. Pourtant, mon poème porte sur son dos des pierres, du ciment et du sable, des portes et des fenêtres. Un miroir oblique qui ne reflète que le ciel, une cheminée pour les soirées d'hiver, et cette terrasse sur un toit qui aère le paysage. Le lecteur de mon poème me fait l'effet d'un architecte, qu'il lise ou lit, qu'il compte ou compte, il est le grand bâtisseur de sens dont les mots ont besoin. Les oiseaux migrateurs le regardent avec envie. Des crustacés décapodes chiffrent les vers sous leurs pieds et le poète se repose. Le pain de ton regard. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là. Mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre ou de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mise à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois, je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait gonfler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Puis peut-être, bon, pour changer de tonalité, il y a deux poèmes dédiés à Donald Trump. Alors je vous en lis un. C'est un poème qui est conçu sur le mode d'un acrostiche, vous savez, où l'initiale du prénom Donald et du nom Trump est le premier vers d'un mot, enfin la première lettre d'un mot. Trump Power. Son compte Twitter est l'un des plus actifs de la planète. En 140 signes, le président des USA décide, ordonne, nargue, arbitre, légifère, dramatise. Il donne, raille, usurpe, ment, promulgue. 140 caractères pour n'en révéler qu'un, le sien, et pour fendre à jamais tous les losers de la parole. À chaque message, le président des USA rivalise avec les grands maîtres du haïku. Son verbe se dresse, gonfle, expose ses organes. Le crapaud, on dirait qu'il va vomir un nuage. Et puis, un dernier poème, ou plus exactement une série de trois poèmes, intitulé « Poème du jaguar ». Je les ai écrits il y a un an, alors que je partais faire un voyage au Nicaragua. Et le Nicaragua, c'est un pays fabuleux, parce que j'y étais invité pour un festival de poésie. D'abord, la nature est assez extraordinaire. Puis les poètes y ont une grande place. Beaucoup ont participé à la révolution sandiniste. Certains sont aujourd'hui très connus, d'autres un peu menacés par un pouvoir un peu dur. Mais en tout cas, il y a une vitalité de la poésie qui est assez étonnante. Poème du jaguar. Autrefois, j'avais un jaguar dans le ventre. Un de ces fauves qui mugit quand il dort et porte sur son pelage le clair-obscur de son âme. Un jour, mon jaguar s'est aventuré jusqu'aux limites du rêve qu'il avait enfanté. Il a pris la forme de la pirogue pour s'extraire de mon corps, les couleurs du toucan pour se mêler à ma voix, le sourire d'une petite fille pour être en avance sur la vie. Depuis, mon jaguar rêve dans une langue que personne, jamais personne n'a parlé, et porte en lui tous les poèmes que ces bonds de félins dévoraient d'un seul regard à la surface de la terre. Second poème. Une jeune fille montée sur le dos d'un jaguar souriait de fierté en s'éloignant du village. Au retour, elle se trouvait dans le ventre de la bête et son sourire sur la face du jaguar. Cette légende ne dit pas ce que représentent la jeune fille et le jaguar. Les uns pensent que les idéaux que l'on porte en soi finissent toujours par être dévoyés ou trahis. D'autres accusent la révolution, le diable ou le volcan. Mais lorsqu'elle monta sur scène, tout s'éclaira d'un coup. On vit sa silhouette, on entendit sa voix, et bientôt le sourire de son poème apparut sur le visage de ceux qui buvait ses paroles. Troisième et dernier poème. Dans mon poème, il y a une jungle, des fleuves, des volcans impétueux et un chapelet d'îles minuscules, pareil à des trouées de lumière dans la nuit verte des étoiles. Il y a une petite communauté humaine dans mon poème, des peintres naïfs, quelques statues précolombiennes et le bruissement des langues chuchoter sous la canopée. Il y a des oiseaux de jour et des oiseaux de nuit, une pierre tombée d'on ne sait où, et une jeune femme qui traverse l'archipel en pirogue. Ne me demandez pas si le jaguar est présent dans mon poème. Il en est sorti d'un bond quand il a su qu'on parlerait de lui. Merci. Si le jaguar s'en va quand il sait qu'on va parler de lui, c'est que je crois que la poésie, finalement, il vaut mieux la lire que la commenter. Il vaut mieux en faire entendre, sentir la vibration comme un instrument de musique, plutôt que d'en faire l'anatomie. Et moi qui étais professeur de lettres pendant longtemps, je me souviens quand même avoir souffert en ayant un peu le sentiment qu'on voulait que je devienne une sorte de super médecin légiste de l'écriture, parfaitement capable de faire l'anatomie du texte, voyez, montrer ses organes, les figures de style. Alors, je me souviens, quand j'étais en classe préparatoire, un de mes camarades avait tiré un sujet de colle qui était l'usage du tétramètre isochrone anapestique dans les vers de Baudelaire. Pas mal. Et je me souviens aussi, quand j'étais professeur, que dans les programmes de sixième, ils sont petits les sixièmes, hein, en classe de français, dès le début de l'année, il fallait montrer la distinction entre l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation et l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. C'est dur tout ça. Alors c'est dur pour le poème parce que ça le fait mourir. Et donc la poésie, il faut en faire entendre la vibration. Imaginez que Françoise ait invité un joueur de mandole, comme lui par exemple, Lounès Matoub, et que l'instrument soit là et que le joueur vous explique pendant 2 heures comment on fabrique une mandole et nomme une à une toutes les pièces, les dizaines et les centaines de pièces qu'il faut pour faire une mandole. C'est un peu ce qui est trop souvent fait, hein, en matière de poésie. Donc voilà, si mon jaguar s'en va quand on va parler de lui, c'est parce qu'il n'a pas envie de vivre ça. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur deux, trois choses? Oui, bien sûr. Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est quand tu as parlé de que la poésie est une façon d'être au monde aussi et, oui, et de rendre compte du monde, si j'ai bien compris. Exactement. Par exemple, dans le recueil « Ceux qui se taisent », je pense que ce qui, personnellement, moi, m'a touchée, c'est que elle a effectivement, il y a ce monde qui surgit de façon âpre dans tes poèmes, mais en même temps elle traverse ton intime, enfin il me paraît sans je ne te connais pas spécialement, mais toute la partie centrale qui s'appelle Il, oui, Il me semble, enfin je pense que c'est personnel, enfin c'est tout à fait une expérience individuel. Absolument. Et que cet intime que tu nous livres rejoint mon propre intime de toute façon, et certainement celui de, enfin il y a quelque chose d'universel dans l'intime aussi. Oui. Et ce qui est intéressant, l'écriture de l'intime, elle est aussi très belle quand elle est traversée par le monde. Oui. Voilà. C'est... Effectivement, je pense qu'elle n'est pas, elle est un peu vaine quand c'est une tour d'ivoire, mais c'est pas du tout le cas. C'est une magnifique question parce qu'elle me permet de vous dire ceci, c'est que bon nombre de mes poèmes ne sont pas écrits pour être publiés. Ils finissent par l'être, mais ils sont souvent écrits pour une personne, comme une lettre. Et par exemple, dans ce livre qui comporte 3 parties, la première c'est Crète, j'y reviendrai, la deuxième c'est Il, I-L, avec un E entre parenthèses, parce qu'il y a aussi question d'une île. Et puis la troisième, c'est Créteil. Alors, Crète, île, Créteil. Et donc j'aborde. Ces 3 parties ont un point commun, c'est le silence des êtres. C'est le silence des gens face à la crise économique dans un petit village de Crète. C'est le silence de Il, cet ami que j'ai accompagné à la fin, toute fin de sa vie, Donc c'était il y a 3 ans, presque jour pour jour, et je lui écrivais chaque jour des poèmes, que parfois j'envoyais, pendant mes déplacements pour le printemps des poètes, j'envoyais mes poèmes sous la forme de SMS. Voilà. Au début, il pouvait les lire, et puis à la fin du mois de mars, la maladie ayant terriblement progressé, c'est sa femme qui les lui lisait, et puis après, plus du tout. Mais je continuais à écrire. Mais je n'ai pas du tout pensé que j'écrivais un livre. J'écrivais des poèmes pour accompagner un ami. Voilà. Et puis la troisième partie, sur un sujet des sujets de société, c'est la menace djihadiste et le regard qu'une femme venue en France pour la liberté et la laïcité porte sur le monde dans lequel elle vit, sachant que son fils éprouve une fascination pour le djihad, s'est converti à l'islam radical, et donc c'est toutes ces questions-là que j'aborde. Mais le point commun, c'est le silence des gens. Et donc, je le disais, des poèmes ont été écrits pour une personne. Je vais vous lire un poème et ensuite vous raconter l'histoire de ce poème. Il y a des poèmes sur le silence des femmes dans ce livre. Et je vais très souvent en Crète, où je me suis un peu installé dans un petit village avec des gens qui sont très modestes. Il y a pas, c'est un endroit où il n'y a pas de touristes. Il y a des paysans qui ont des chèvres, des oliviers, voilà. Et en face de la maison que l'on occupe, eh bien, il y a une petite taverne, ce qu'on appelle un cafenio, c'est tout petit endroit. Mais il y a là un couple et puis une femme qui est devenue une amie et qui travaille, qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais, qui travaille dans des conditions terribles et qui un jour a craqué. Donc c'est pour elle que j'ai écrit ce poème, sachant qu'elle ne pouvait pas le lire. Pour elle ou pour moi, mais en tout cas, il y avait cette intention. Je vous le lis et je vous raconte ce qui s'est passé après. Comme chaque jour, elle fait la vaisselle de la veille, épluche les légumes, cuisine la viande, dresse le couvert, sert le repas et refait la vaisselle. Comme chaque jour, elle lave le linge de la veille, débarrasse les tables, récure le carrelage, désherbe le potager, nourrit les poules et relave le linge. Comme chaque soir, elle compte l'argent que lui rapporte la taverne, se demande de quoi demain sera fait et prie le Dieu de ses journées de lui donner assez de force pour continuer à vivre ainsi. Comme chaque nuit, elle ferme ses yeux sur ses rêves et plonge dans le sommeil comme deux mains gercées dans un baquet d'eau grasse, avec l'espoir que ses filles poursuivent leurs études. Comme chaque lundi, jour de repos, elle accomplit toutes les tâches qu'elle n'a pu faire les autres jours. En été, l'ombre de ses journées s'allonge contre le mur, et toutes les saisons de sa vie se suivent et se ressemblent. Mais ce jour-là n'est pas un jour ordinaire. Elle prépare le repas, fait la vaisselle, dresse les couverts et plie le linge, puis s'en va prendre l'autobus de 17h30 qui la conduira dans une ville où elle n'a jamais vécu. Avec une valise, pardon, mais ce jour-là n'est pas un jour ordinaire. Elle prépare le repas, fait la vaisselle, dresse les couverts et plie le linge, puis s'en va prendre l'autobus de 17h30 qui la conduira dans une ville où elle n'a jamais vécu, avec une valise qu'elle aura mis 44 ans à faire pour la première fois. Elle part et ne reviendra pas. Celle qui accomplissait chaque jour les mêmes gestes et ravalait chaque nuit les mêmes mots comme une femme en caoutchouc. Elle part, elle est partie, celle qui ne sait plus rien de sa vie, mais qui la sauve en se sauvant. Bon. J'ai écrit ce poème, non pas du tout pour écrire un poème qui figurerait un jour dans un livre. J'ai écrit ce poème parce que j'ai été profondément touché par le départ de cette femme, les conséquences immédiates et violentes sur sa famille et sur le village, parce que cette taverne a fermé, et que cette taverne, c'est l'endroit où les gens se retrouvaient le soir, le week-end, où les gens les plus pauvres arrivaient et mangeaient un bol de soupe le soir sans qu'on leur demande rien. Donc il y a une fonction sociale très importante dans un pays où la crise économique fait que les salaires ont été divisés de moitié, alors que la vie augmente, et que les sacs de courses ont doublé de poids en raison de la crise, parce que les grands-enfants de 30 ans, qui n'ont pas de boulot, reviennent vivre avec les parents. Donc, c'était un petit drame social et individuel. Moi, j'ai écrit ce texte parce que j'étais touché, peut-être bouleversé par l'histoire de cette femme. Et puis un jour, je fais une lecture de ce texte dans une soirée, avec mes photocopies, comme ça. Le livre n'était pas encore publié. Et puis, quelqu'un met des vidéos sur les réseaux sociaux, et les deux filles en Grèce, les deux filles dont je parle, qui poursuivent leurs études et qui apprennent le français, qui sont des filles qui ont 20 ans, 21 ans, découvrent ce poème. Le soir même, elles m'appellent en me disant « Mais on a reconnu ce poème, on a reconnu notre maman dans ce poème. Mais ce poème nous bouleverse, il faut absolument que tu le fasses traduire en grec et que notre maman puisse le lire. » Les mois passent, le livre paraît, l'ensemble de mes poèmes sont traduits en grec, et je revois cette femme, on dîne ensemble, et puis elle me dit « Il paraît que tu as écrit un poème sur moi ou pour moi. » Alors je lui donne le poème. Elle reste 20 minutes à le lire, donc en grec, vraiment bouleversée. Elle ne dit rien, si ce n'est merci, les larmes dans les yeux, mais avec une émotion vraiment contenue. Et elle me dit « Bruno, j'ai une demande à te faire. Je voudrais que mon mari, donc l'homme que j'ai quitté, elle était en train de divorcer. » Le divorce est moins courant là-bas, parce que le poids de l'orthodoxie, c'est bon. « Je veux qu'il lise ce texte. » Bon. Là, ça commençait à devenir un peu compliqué. Je me suis dit, mais bon sang, ça va loin. Ça va loin. Donc, ce monsieur est venu me voir, parce que ses filles lui en ont parlé. Il m'a dit, il paraît que tu as écrit un poème sur Nikki. Est-ce que je peux le lire? Alors, avec un petit manque de courage, j'ai donné les 28 poèmes de ma chronique d'un village en temps de crise, en lui disant, le poème 28, c'est celui qui est écrit pour Nikki, mais enfin, il y en a plein d'autres. Il est parti avec le paquet de photocopies. Il est revenu me voir le lendemain. Il m'est tombé dans les bras en larmes, en me disant « Pour la première fois, je comprends ma femme. C'est trop tard, mais là, je la comprends. » Bon, déjà, c'était quelque chose d'assez bouleversant. Et puis, il me dit « Et puis surtout, merci, merci de m'avoir aussi consacré un poème. » Et moi, je ne lui ai pas intentionnellement consacré de poème. Alors je lui dis, « Et quel est le poème où tu t'es trouvé ?» Alors il prend les feuilles et il me dit, « Celui-là, et celui-là, je veux le garder parce que je veux le mettre... dans un petit cadre, chez moi, et je vais le relire tous les jours de ma vie. » Alors, c'est le poème numéro 7, très court. Mais lui s'est trouvé dans ce poème. « Ce soir, le village est en fête. Hommes et femmes dansent ensemble. Ceux qui les regardent se serrent les coudes sur la table. Au fond de la pièce, un homme seul aux yeux humides égrène son comboloï. » Le comboloï, c'est le chapelet. Alors, je lui ai donné le poème. Et quelques jours après, quand je l'ai revu, il avait un cadeau pour moi. Il m'avait acheté un comboloï. Ce sont les chapelets. Voilà. Et pendant des mois, à chaque fois que je le revoyais, il me parlait du poème qui lui a été consacré. Donc, ça dit vraiment quelque chose de ce rapport entre l'intime et l'universel. Ça dit aussi... exactement ce que tu disais tout à l'heure, qu'un texte écrit pour une personne en rencontre beaucoup d'autres, ça dit aussi quelque chose d'autre qui pour moi nous mène au cœur de ce qu'est l'expérience poétique et de ce qu'est la poésie. Les poèmes, ce sont des textes suffisamment inachevés, incomplets, pour que autrui puisse y trouver sa place. Vous voyez, D'ailleurs, quand vous regardez un poème, vous voyez, même si vous êtes loin, mais vous voyez bien que la page n'est pas remplie complètement. Qu'est-ce que c'est que cette manie de casser la ligne et de faire en sorte que les mots se mettent debout, finalement? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne vont pas jusqu'au bout des lignes, ni au bout des idées? Ben, ce sont des poètes. Et les poèmes, ce sont des textes, donc, relativement inachevés, incomplets, qui offrent et ouvrent aux autres un espace de liberté d'interprétation. Voilà. Je ne peux rien dire de plus. Voilà, c'est, pour moi, c'est ça l'essentiel. Et ça explique, par exemple, ben, ça explique trois choses. D'abord, que la poésie a partie liée à la démocratie. C'est-à-dire que cet espace ouvert à la liberté d'interprétation d'autrui, c'est un espace de parole démocratique. Le sens n'est pas détenu par celui qui écrit le texte. Si on nous fait croire cela, on est dans une sorte de mensonge. Et c'est une question que posent tous les enfants et les adolescents. Ils disent souvent à l'école, mais est-ce que l'auteur a voulu dire ça ? On n'en sait rien. Et l'auteur, il a souvent voulu dire moins de choses qu'il n'a réellement dit. C'est-à-dire que le texte va être enrichi par l'acte de lire et par l'interprétation que le lecteur va donner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est la raison pour laquelle la poésie traverse le temps. On peut lire des textes qui ont été écrits 5, 6, 7 siècles avant Jésus-Christ et qui nous paraissent d'une modernité extraordinaire. Prenons un exemple concret, Sapphô de Mytilène. Il ne reste que des fragments de son œuvre. Mais ce sont des fragments d'une modernité extraordinaire. Et au moment où on votait la loi pour le mariage homosexuel il y a quelques années, donc on était en 2012, si je me souviens bien, on voyait fleurir partout des poèmes de Sapphô de Mytilène, sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qu'elle avait abordés. La reconnaissance, par exemple, des amours homosexuels, etc. C'est des choses qu'elle abordait, donc il y a tellement de temps. Et puis avec une langue qui n'a pas pris une ride. Et le troisième enseignement que je tire de ce que je viens de vous dire, c'est la raison pour laquelle cette démocratisation de la parole, c'est la raison pour laquelle dictateurs et poètes ne font pas bon ménage. Vous avez remarqué qu'on tue les poètes. Pas les dictateurs. On ne tue pas les dictateurs. Mais les dictateurs tuent les poètes. Quelquefois. Mais je pourrais citer des centaines de poètes qui ont été exécutés, qui ont passé leur vie en prison. Nazım Hikmet en Turquie, condamné à mort, puis à 28 ans de réclusion. Yanis Ritsos, qui a passé une grande partie de sa vie dans les prisons à ciel ouvert de la Grèce, sous la junte des colonels. Victor Hugo en exil. Voilà, quand même, c'est dans notre patrimoine. Je peux continuer. Victor Jara au Chili, on lui coupe les doigts de la main pour l'empêcher de jouer de la guitare. Federico Garcia Lorca, en Espagne, mais qu'avait-il fait ? Vous voyez Garcia Lorca, qui c'était ? C'était juste un poète qui regardait la lune, qui écrivait des poèmes sublimes, qui jouait de la guitare et du piano, qui a eu le tort d'affirmer qu'il était homosexuel, et qu'il était, c'est son plus grand acte de rébellion politique, du parti des pauvres. Et on le tue. On l'assassine pour ça. Je peux continuer. Max Jacob, rattrapé par ses origines juives, arrêté, déporté au camp de Drancy où il va mourir. Marianne Cohn, sont des gens sur lesquels j'ai consacré des romans. Marianne Cohn, cette jeune juive allemande qui, dès l'âge de 15 ans, rentre dans la résistance et qui, à 22 ans, va être suppliciée par les nazis, mais qui va sauver quand même plus de 200 enfants juifs qu'elle a réussi à faire passer de l'autre côté de la frontière suisse. Et puis, Robert Desnos, un roman magnifique qui est là, lui a été consacré dans ma maison d'édition par Isabelle Lacan. Desnos meurt à Térésine. Et il a chanté la poésie et il a témoigné, il témoigne au fond qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la barbarie, c'est l'art. La création sont plus forts que la barbarie. Et puis Lounès Matoub, le chanteur kabyle, qui était l'icône de tout un peuple, qui a mené un double combat, lui il s'est battu contre un monstre à deux têtes, le pouvoir algérien, et contre le sort fait aux Kabyles, avec la non-reconnaissance de la culture amazir, de la langue, etc., et contre l'islam radical. Il a été enlevé par le GIA en 1994, condamné à mort, et, moi je lui ai, et puis assassiné en 1998. 70 impacts de balles sur sa Mercedes, le 25 juin 1998. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là sont nés avec un couteau entre les dents. C'est juste parce que leur parole est si forte qu'on doit les faire taire. Desnos, vous voyez, vous l'avez cité, monsieur, mais Desnos, il n'y a pas, il n'y avait pas plus doux rêveur et plus gentil garçon que lui. Si bien accordé en plus au monde dans lequel il vivait. Il faisait même de la poésie pour des agences de publicité. Alors, c'est pas quelqu'un qui menaçait la paix sociale, hein. Absolument pas. C'est tellement vrai que quand on lui a dit la Gestapo va venir t'arrêter ou la milice va venir t'arrêter, on l'a prévenu une heure avant, il est resté chez lui en disant « Non, non, moi, je vais pas réveiller Yuki qui dort. Je vais pas réveiller ma femme qui est endormie. » Bon, puis je pense que les nazis vont perdre la guerre, donc voilà. Et il est mort le jour de la libération du camp par les Américains. Et il est mort du typhus. Ouais. Il y a bientôt 4 heures, on va ouvrir aux questions des uns et des autres, aux échanges. Et puis peut-être qu'on pourra conclure sur une ou deux lectures. Ben exactement, après, je terminerai avec des poèmes. Voilà, puis après, je t'avais demandé, donc, et tu l'as fait, malgré le poids des livres et le poids des mots, tu as mis quelques livres en vente. Oui. Pour une séance de dédicace pendant que tu auras un verre de la lecture. Alors, une question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, tu pars en voyage, tu reviens avec des poèmes, mais comment tu arrives à un point à parler d'eux, souvent ils sont totalement inconnus ici. Qui te parle d'eux? Comment tu arrives à les connaître? Comment tu arrives à les publier? Alors, oui, ça c'est vraiment une bonne question. Alors, il n'y a pas de réponse générale, hein. Il n'y a que des cas particuliers, mais bon, sans doute, il y a une part qui est liée à ma curiosité. Je pense que je dois avoir les yeux plus grands, les yeux de la curiosité plus grands que le ventre des possibilités éditoriales. Ça c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que je voyage et que je suis invité dans des festivals. Vous voyez, je vous parlais du Nicaragua, j'y ai rencontré des poètes, je suis revenu avec des textes et puis des gens que j'ai rencontrés. Prenons un exemple tout simple, un poète du Honduras, dont j'avais jamais entendu parler, on était ensemble. Eh bien, voilà, j'ai engagé il y a un an un travail de traduction de ses poèmes, et la traductrice m'a dit, ça y est, on a terminé le travail, et on voudrait te le présenter la semaine prochaine. Et donc, dans un an et demi, je vais publier ce poète du Honduras, et puis les gens vont découvrir qu'en fait, il a un nom arabe, parce que son grand-père était palestinien, et que son grand-père, il a fait partie des Palestiniens, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais des Palestiniens qui ont pris la route de l'exil et qui sont allés s'installer en Amérique centrale. Voilà, mais là, c'est une rencontre concrète. Autre exemple, Rita Mestocochaux, c'était vraiment assez improbable. Rita Mestocochaux, donc, elle vit dans le Grand Nord du Québec. Elle n'était jamais venue en France. Mais un jour, j'ai découpé un article de Jean-Marie Le Clézio dans Le Monde. C'était avant le prix Nobel de littérature, il y a au moins, je dirais, plus de 10 ans. Et Le Clézio poussait un coup de gueule dans les pages Société du Monde en disant, un coup de gueule un peu écologique, en disant, partout dans le monde, on massacre des sites, et dans le nord du Canada, du Québec, On est en train de construire des usines hydroélectriques sur une petite rivière qui s'appelle la Romaine, qui descend des montagnes. Et on est en train de noyer complètement toute une vallée qui est la zone de nomadisme et de chasse d'un peuple, le peuple Innu. Et il dit, ben voilà, ils sont une poignée d'Innu pour se battre contre des multinationales. Et parmi cette poignée d'hommes et de femmes, une poète, Rita Mestocosho, et il citait deux vers de cette poète. J'avais imaginé une très très vieille dame, très vieille indienne, voilà, accrochée à son rocher, à ses sapins, bon, au sapin plutôt à ses lichens, parce que là, là-bas, il y a presque plus de végétation. Et en fait, un jour, je suis invité à faire des lectures au Québec, et on part, non pas vraiment dans des réserves indiennes, mais on part un peu au-delà de Québec, et puis je participe à un spectacle, on est 15 sur scène, et puis à côté de moi, il y a une femme indienne avec son tambour, je lui demande comment elle s'appelle, elle me dit « je m'appelle Rita Mestocosho ». Et j'étais tellement suffoqué, je lui dis « mais c'est pas, tu n'es pas Rita Mitsuko ». Alors, on est devenus amis très vite, et puis je lui dis « mais moi je croyais que tu étais une très vieille dame ». Elle me dit, ben non, tu vois, j'ai à peu près ton âge, ou un peu plus jeune même, je crois. Et donc, ça a été formidable. Et puis, quand je suis parti, on a correspondu. Comment est-ce qu'on correspondait? Par poème interposé. Ça, c'est formidable. Je lui envoyais un poème, elle me répondait par un poème. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, on pourrait même faire un livre ensemble. Et puis, non. Donnons-lui tout l'espace. Et donnons-lui tout l'espace pour sa langue, l'Inuaimun, et la langue française. Et puis après, j'ai rencontré une photographe que je connaissais déjà, mais qui avait partagé le quotidien des Innus. Et on a décidé de publier les photos de Patricia Lefebvre avec les poèmes de Rita Mestocosho. Et puis comme Jean-Marie Leclésio m'avait fait découvrir d'une certaine manière, parce qu'il l'avait simplement cité, cet auteur, je lui ai envoyé un message en lui disant ce qui serait génial, c'est... et il m'a envoyé un texte d'une page et demie, qui est devenu la préface du livre. Mais on n'a pas mis un bandeau, Jean-Marie Leclésio, non, pas du tout, c'était Rita Mestocosho qu'on a publié, et pas Jean-Marie Leclésio, vous voyez. Et ce qui est merveilleux, c'est que, bon, c'est un livre qui a coûté cher, qui était un peu risqué, qui va s'intéresser à l'Inuaimun ici, en France. Quand vous savez qu'il n'y a que 15 000, plus que 15 000 personnes dans le monde qui connaissent cette langue. Mais c'est rien, 15 000. Vous voyez? Et donc, on l'a tiré à 1700 exemplaires, le livre. Et je vais le réimprimer prochainement parce qu'on a épuisé le tirage. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc... Il n'y a pas de... Et puis, pour finir aussi, de répondre à ta question, il y a aussi maintenant pas mal d'auteurs qui connaissent la maison et qui ont envie d'être publiés dans notre maison parce qu'au fond, on pratique une espèce d'hospitalité éditoriale en accueillant des poètes du monde entier. Il y a toujours quand même des problèmes de langue. Il y en a plein. Est-ce que c'est faire traduire, traduire de sa langue l'inou? Ah, il y en a plein. Il y a plein de problèmes de langue qui se posent. C'est très compliqué. Par exemple, Rita Mestocosho, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer ses poèmes en Innu. Elle m'a répondu, oui, mais je ne l'écris pas bien. C'est ma langue maternelle. Mais c'est une langue non alphabétisée. Donc je lui ai dit, est-ce que tu connais une linguiste? Elle m'a dit, oui, j'ai une amie qui est linguiste, qui enseigne l'Innu dans un institut. Donc on a contacté cette personne qui a fait les révisions d'une langue qui est en train de se codifier. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ces langues avant qu'elles ne disparaissent. Aujourd'hui. Mais quand Rita était petite fille, vous savez ce qui leur arrivait aux Innus. On les enlevait de leur famille. Ils avaient des papa, maman, hein. Mais on en faisait des orphelins. On les mettait dans des orphelinats. Dans des familles francophones ou anglophones, pour qu'ils perdent leur langue. Donc c'était d'une violence totale. Donc, c'est des pratiques d'acculturation. Mais comme on tapait sur les enfants, les doigts des petits bretons, lorsqu'ils parlaient breton à l'école, il y a 50 ans. Donc, aujourd'hui, heureusement, on a un peu tempéré tout cela, mais moi, je trouve que c'est formidable de permettre par le livre, par la poésie, à une culture, à un peuple, de faire entendre sa voix sur... un peu sur la place du monde. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que Rita, elle était invitée déjà 3 fois en France, et que chaque fois qu'elle vient ici, c'est... Enfin, il y a un engouement qui se produit, parce qu'en plus, c'est une personnalité extraordinaire. On a réussi à la faire inviter sur le plateau de TV5 Monde, donc plateau télévision. On lui a pas dit t'enlèves tes mocassins et tu t'habilles à l'européenne. On l'a laissé aller sur le plateau, donc ils ont été très surpris de voir arriver une indienne avec son tambour. Elle est arrivée pour le journal télévisé avec son tambour. Donc à un moment donné, elle l'avait posé à côté d'elle, parce que pour elle c'est un geste complètement naturel. Et quand le journaliste lui a dit on a le temps d'écouter un poème, est-ce que vous voulez bien nous lire un de vos poèmes, elle a pris son tambour et puis elle s'est accompagnée et son poème devient chant. Bon, c'est juste superbe, voyez. Voilà. Et puis on se rend compte que la poésie, c'est pas, elle a jamais choisi d'être poète. Elle s'est pas dit un jour je vais écrire. Mais non, c'est parce qu'elle est dans une pratique de vie. Et on dirait, elle est un peu chamane, si vous voulez. Elle joue dans sa communauté amérindienne un rôle social qui est très important. Donc elle est celle qui va chanter pour l'office des morts, qui va faire entendre des chants pour des naissances, pour des mariages. Lorsqu'ils partent à l'automne nomadiser, pour aller chercher la viande dont ils auront besoin tout l'hiver, etc. Voilà. Tout ça est accompagné par cette parole vivante qu'est la poésie. Je vous en prie. Est-ce que ce territoire qui était menacé a été sauvé ? Pas complètement, hein. Mais je crois que ces barrages se sont arrêtés. Je crois qu'il y en a un qui a été construit et les autres non. Mais quand même, de toute façon, ils vivent la plupart du temps dans des réserves. Voilà. Et il y a des photos qui montrent la réserve. Donc ce n'est pas simplement une nature sublime, c'est aussi des conditions de vie extrêmement difficiles. Mais il y a ces territoires de chasse où ils vont quand même tous les automnes pour... Vous voyez, par exemple, ça, c'est une vue de la réserve où vit Rita Mestecocho. Voilà. C'est au bout du monde. Hein. C'est quand vous longez le Saint-Laurent, c'est tout au bout de la route. Vraiment loin. Et... Voilà. Je vous en prie. Vous avez dit tout à l'heure, la poésie devient un chant. Et justement, je pense que la musique est un moyen aussi de faire passer un média, pour faire passer la poésie qui est parfois difficile à accepter ou à l'entendre, mais qui est méconnue très souvent. Et j'en veux pour preuve, en fait, ce qu'on fait à Aragon. Enfin, oui, Jean Ferrat, bien sûr. Mais Léo Ferré, bien sûr. Elles sont entrées dans les... Exactement. Je ne vais rien dire de plus. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Il y a eu toute une période où on a un peu abandonné cela en France. Et aujourd'hui, ça a tendance à revenir. Mais les noms que vous avez cités, ce sont d'immenses auteurs, compositeurs, interprètes qui ont mis leur talent, hein, Ferré, Ferrat, Brassens, au service des poètes. Mais c'est essentiel, bien sûr. En France, quand même, la poésie, elle a perdu une grande partie de sa vitalité populaire. Et c'est dommage. Voilà. C'est pas comme ça partout. Hein. Vous allez en Haïti, par exemple, vous avez 75% d'analphabètes, mais ça n'empêche pas les gens de venir écouter les poètes. Et ça n'empêche pas non plus les gens d'être poète, parfois. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Là, il y a une vitalité très importante. En Amérique latine aussi. au Nicaragua, je pourrais citer la Colombie, où il y a de très grands festivals de poésie. Et vous pouvez lire vos poèmes devant 5, 6, 7 000 campesinos qui sont sur une place et qui sont venus pour écouter. Et même s'il pleut, eh bien, ils sont là et ils écoutent les poètes. Oui. Justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. De votre point de vue de poète et éditeur, qu'est-ce qui expliquerait, au moins en partie, cette désaffection actuelle de nos sociétés occidentales avec la poésie ? Alors, qu'est-ce qui explique que ce soit vraiment que la poésie se fasse si peu entendre aujourd'hui ? Alors, moi, je ne dirais pas exactement les choses comme ça, parce que je pense que depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, le vent de la poésie a tourné, et il a tourné du bon côté. Et le fait qu'une petite maison d'édition, créée par quelqu'un qui n'a pas de fortune personnelle, la maison que j'ai créée, elle a 8 ans maintenant, et voilà, elle tient la route, et même elle a suscité, elle suscite de l'intérêt. Le fait même que ce soit possible aujourd'hui dans notre société, période de crise économique, voyez, témoigne quand même du fait que la poésie existe et qu'il y a un lectorat. Il y a vraiment un lectorat. Par contre, ce lectorat, il n'existe que si on parvient, j'allais dire, à faire sauter les représentations faussées de ce qu'est la poésie. Tant que les gens pensent que la poésie est réservée aux enfants, à l'école, avec des récitations, ou que l'on pense que la poésie est plutôt réservée aux femmes qu'aux hommes, ou que, je ne sais pas, un homme qui écrit de la poésie, c'est forcément quelqu'un qui est efféminé. Mais c'est des choses que moi j'ai ressenties, ça, dans le regard des autres, je veux dire. Vous voyez ? Tant qu'on pense que la poésie est quelque chose d'hyper cérébral, incompréhensible, et qu'il faudrait avoir, je ne sais pas, une agrégation ou un doctorat de linguistique pour accéder à la poésie. Tant qu'on est dans des représentations comme ça, on ne peut pas avancer. Et le travail que je fais, moi, ça consiste à ouvrir des portes et pour pouvoir faire passer, justement, ce courant vif du poème. Mais je pense que le monde dans lequel l'on vit et la nécessité d'une parole vraie, d'une parole forte, d'une parole aussi donnée à ceux qui ne l'ont pas, je pense aux migrants par exemple, eh bien, rend vraiment la poésie complètement nécessaire. Je vais prendre un exemple très, très simple. J'ai passé toute la semaine dernière dans des rencontres dans l'Est de la France, où j'ai été invité dans des classes où il y a des jeunes allophones. Donc, en fait, ce sont des mineurs isolés qui sont arrivés. Parfois, ils étaient à Stalingrad, dans la rue. Ils ont été pris en charge par l'État parce qu'ils sont mineurs. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, du Bangladesh, d'Afrique noire, etc. Ils ont parfois des parcours de vie hallucinants. Et ils ont été placés par les services d'aide à l'enfance. Et comme l'État français leur doit un minimum d'éducation, ben on les retrouve dans des classes où j'étais la semaine dernière, il y avait 16 garçons qui étaient dans une classe. Plus de la moitié ne parlait pas un mot de français. Et on m'a fait venir parce qu'on pense que la poésie peut faire quelque chose. Et je suis arrivé avec des poèmes dans toutes les langues. J'ai même publié un livre qui s'appelle 136, je l'ai oublié, mais qui s'appelle 136, c'est un seul poème. Mais un très joli poème qui dit la chose suivante. Cet accent sur le papier est un cil abandonné. J'aime les accents étrangers. Et on a eu l'envie de faire traduire ce poème dans de multiples langues, et en l'occurrence 136 langues. Donc, il y a au moins 50 langues africaines, etc. Alors quand vous êtes face à des jeunes qui ne parlent pas un mot, il y avait un garçon pakistanais, je lui dis, mais tu viens d'où ? Il me dit, Pakistan. Alors je lui dis, mais tu parles ourdou ? Oui, bien sûr, c'est ma langue. Donc, je lui donne le texte en ourdou, et puis là, le garçon se lève et il lit, il est heureux. Il le lit dans l'alphabet ourdou. Même chose pour des jeunes venus d'Afrique noire. Il y avait des garçons qui venaient de Guinée-Conakry. Ben, Ils étaient contents de pouvoir lire le texte, je crois que c'était en lingala ou en soussou. Voilà. Donc là, on voit que la poésie, elle permet de relier les individus, puis sur des choses qui ne sont pas des choses banales et qui produisent du sens. Vous voyez ? Sans compter qu'il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas d'accent. Alors, aller traduire dans une langue où il n'y a pas d'accent le mot accent, c'est un énorme problème. Donc, ça, on peut avoir vraiment des sujets de conversation passionnants sur ces questions-là. J'aurais une question. J'aimerais prolonger la question de Jacques-François sur comment êtes-vous arrivé à publier Ma Tout Blounesse ? Alors, je n'ai pas publié Ma Tout Blounesse. Je lui ai consacré un roman. Oui, c'est ça. Donc, moi, je l'écoute depuis longtemps, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, ça fait un peu partie de, je veux dire, de mon adolescence, où quand j'étais jeune homme, j'écoutais Ma Tout Blounesse. Donc, je me souviens très bien de sa mort en 98. Et quand ça faisait longtemps que j'avais envie de lui consacrer quelque chose, ou de travailler autour de son œuvre, et le 13 novembre 2015... Donc cette nuit d'horreur après la tragédie du Bataclan. Donc c'était une nuit sans sommeil, évidemment. Et le matin, là, quand je me suis levé, je me suis dit, en fait, la poésie ne va pas suffire à dire ce que tu veux dire. Tu vas avoir besoin du roman pour t'adresser à des jeunes gens auxquels tu vas essayer de montrer démonter les mécanismes de la radicalisation religieuse. Et puis je voulais aussi avoir un personnage qui soit issu de la société arabo-musulmane. Ben, Lounès, ses parents étaient pratiquants, etc. Donc il a été élevé aussi selon les préceptes coraniques, même si ensuite il a affirmé qu'il était athée, etc. Et donc je me suis dit, ben oui, c'est le bon personnage pour montrer comment c'est inscrit dans l'espace d'une vie le combat contre l'islamisme radical au nom de la laïcité, de la défense de la culture amazighte et du principe d'égalité entre hommes et femmes. Voilà, donc j'ai écrit ce roman qui vient de paraître. Voilà. Il n'y a plus de questions, on peut terminer sur... Moi, j'aimerais bien que tu termines sur une lecture de poème. Très bien. Et puis après... Tu préférais que je sois sur Pour faire le lien, peut-être, sur ceux qui se taisent à Créteil. Ah ben, si vous voulez. Alors, je vais vous lire 5 ou 6 poèmes. Ils sont un peu, vous allez voir, parfois un peu durs. Puis je terminerai avec un poème d'amour, pour ne pas vous laisser comme ça. Voilà. Alors... ces poèmes-là, ce sont des poèmes dans lesquels je donne la parole à une femme. Donc ce « je » que vous allez entendre, c'est une femme qui parle de, comme je le disais tout à l'heure, de sa situation et de son fils. Je ne me tais pas par soumission, par ignorance ou pauvreté. Je me tais par tolérance. Et le pain que j'ai offert me revient empoisonné. J'en pleure. Les 4 points cardinaux ne lui suffisaient pas. Il a fallu qu'il en trouve un 5e et qu'il enferme 5 fois par jour tous les horizons de sa vie dans le corps d'une seule femme vêtue de noir. Un frère lui a dit... Écoute l'imam au sujet des prières. Surtout, prie à l'heure, c'est une obligation, tu n'as pas le choix. Ne lâche pas, mon frère, ne lâche pas. Il en va de ta réussite ou de tes problèmes. Il a compris, il a prié. Le lendemain, l'autre lui a dit, reste dans les livres que les frères t'ont offerts, renonce à tous les autres livres. Il a lu, il a compris. Quand son frère lui a dit, accroche-toi à la vérité, méfie-toi des déviants, il a lu, il a prié, il a compris, et jeté le livre de Darwin, qui dormait sur une étagère de sa chambre, dans la poubelle du papier recyclé. Il a dit que le voile n'était pas un outil de rabaissement des femmes. Vendredi prochain, c'est sûr, il reviendra avec d'autres arguments. Quand il a dit « on ne plaisante pas avec la religion, ça peut être dangereux », ce sont mes yeux qui ont parlé. Ils ont incendié le hijab et débusqué le culte de la mort. Puis ils ont pris le livre des misères et l'ont jeté sur le seuil de l'appartement à côté du paillasson. Welcome, mon fils. Sois le bienvenu au royaume d'une femme libre. Quand il était enfant, les mots roulaient entre nos mains comme des coquillages. Je disais « chien », il disait « niche ». « Ange », »« nage ». « Rose », »« oser ». « Vélo », »« voler ». Et nous partions ensemble d'un grand éclat de rire. Il nageait dans les nuages avec les anges, j'allais en Chine avec le chien, nous rêvions de nous envoler en vélo. La fleur avait osé devenir une rose. Mon enfant aimait alors la magie de l'image. Aujourd'hui, les jeux ne le font plus sourire. L'ivresse des mots est interdite. La parole est celle du prophète. Et qui écoute de la musique court le risque d'être transformé en singe ou en cochon. Quand il a dit « Coran », j'ai répondu « narco ». Mais son regard m'a toisé. Et j'ai vu sur ses lèvres le poison des trafiquants du jour. Les loups reviennent toujours. Ils rôdent la nuit dans les rues, s'emparent de nos silences, dévorent nos ombres. Quand l'insomnie me gagne, je reste à la fenêtre et je les vois tourner à l'angle des immeubles. Ils brisent l'échelle de nos rêves, verrouillent les sentinelles, s'immiscent dans le néant. Ce sont les loups d'un autre temps. Un poème qui sera obsolète dès ce soir. Ceux-là ne sont jamais partis. Le nom qu'ils ont volé leur colle au front comme un emblème national. Vous sonnez. Front national, ce que c'était pendant la résistance. Ils haïssent le juif, abominent l'arabe, se méfient du rhum ou de l'arménien, et jetteraient volontiers l'homosexuel à la Seine, deux par deux désormais, puisque mariage leur est permis. Je crains la flamme en mon pays. Un matin, j'ai sorti un carnet de ma poche. Les larmes qui coulaient de mes yeux se sont mêlées à l'encre qui coulait de ma plume. De mes larmes, j'ai fait une arme contre la détresse. De ma détresse poussent des ailes. Mon oiseau se nomme Liberté. Elle ou il ? Dans cette langue, elle est le féminin de « île ». Et les îles que l'on rencontre en mer devraient se nommer « elles », car les femmes qui naviguent tous les jours sans se perdre savent ce qu'est la grande traversée de la vie. Comme elle, je suis une île en mer, une mer forcée d'être île, une terre submergée par la houle de la vie qui ne veut plus se taire. Quand le bateau des problèmes accoste devant ma tour, je ne suis pas seul à monter à bord. Mon archipel se nomme Solidarité. Vendredi 13 novembre, vent de folie, braise et cendre. Il s'attaque à la jeunesse, à la musique, à la vie. La mort guide leurs pas. Elle s'engouffre dans les rues, dans les théâtres et les cafés. La terreur brise nos bras. Je ne sais par quel bout prendre la douleur de mon corps. Ce qui les tue, me tue. Ce qui les frappe, me frappe. Et les mots meurent dans ma gorge, comme des corps troués de nuit. Ils ont tué des êtres qui aimaient la vie, qui buvaient l'amour et rêvaient de traverser le monde en se donnant la main. Ils ont tué des êtres qui trouvaient une épaule amie dans le café crème du matin, la braise d'un désir dans la cigarette de midi, et un tapis venu d'Orient dans la musique de leur nuit. Ils ont tué des êtres qui chantaient en trois langues, l'une pour le quotidien, l'autre pour la poésie, la troisième pour l'amour, parce que la vie délie les nombres. Pour eux, désormais, le café noir est un trou dans la terre, la cigarette un feu qui embrase le monde, et le tapis, un linceul tissé dans les ruines de Palmyre, où ils n'iront jamais. Cette nuit, une bougie veillera à ma fenêtre. Comme moi, sa petite flamme vacillera. Elle s'éteindra 20 fois, et 20 fois je la rallumerai, pourvu qu'il me soit donné de voir sa lumière briller un jour dans les pensées de mon enfant. Cette nuit, une bougie veillera à ma fenêtre. Elle ne scintillera pas en vain si des milliers et des milliers d'autres flammes viennent danser à ses côtés. Je termine avec un poème très doux pour ne pas vous laisser repartir comme ça. Voilà. Merci. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit. C'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine. Tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entrouverte. Je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit « la vie est belle », elle était belle. Et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème.